Leçon 2, page 96, activité 2 et 3, piste 85. Qui est-ce ? Ce sont mes parents. Ça fait longtemps déjà. Vous êtes bien 5 dans la famille ? Oui, nous sommes 5. Mais ma sœur Léa n'habite pas ici, elle est étudiante à Paris.